Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le troisième chapitre du monde de Narnia. Happés à l'intérieur d'un intrigant tableau, Edmund et Lucy, ainsi que leur détestable cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d'un navire majestueux, le Passeur d'Aurore. On est rentrés ! Lucy, t'as déjà vu ce bateau ? On se croirait à Narnia, non ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Le tableau bouge, regarde ! Non, Eustache, non ! Ah ! Saluez nos naufragés, le roi et la reine de Narnia. Rip it ship. Vos majestés. Vous allez me dire où je suis, tout de suite. À bord du Passeur d'Aurore. Bah quoi, celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit? D'après l'œuvre de C.S. Lewis. Aslan. Vous venez de loin, votre aventure commence maintenant. Regardez. Voyageur de Narnia, je suis votre guide. Comme vous êtes belle. Si cela vous déconcentre trop, je peux changer de forme. Non! Voici l'origine de vos ennuis. Une sorcière. Une force bien plus puissante encore, capable de priver ce monde de lumière. Le monde de Narnia, le chapitre 3, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, un DVD Fox Pathé Europa.